Selon le journal sud-coréen Le Travail et Le Monde, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a tenu le 21 courant, devant le siège de l'Association nationale des hommes d'affaires à Séoul, un rassemblement pour la démission immédiate de Bakounet et la dissolution de l'Organisation des plutocrates et du Parti pour un nouveau monde. Par ailleurs, d'après le journal d'internet sud-coréen Tongelius, l'Action nationale extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Bakounet a organisé le même jour devant l'Office de l'inspection spéciale à Séoul une conférence de presse pour exiger une enquête rapide et équitable sur les criminels qui ont offensé la politique d'État.